France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. En live au studio 105 de France Musique. Bonjour à tous, ça sera décidément une année Michel Legrand, une saison Michel Legrand sur la 42e rue de France Musique, mais telle est l'actualité. Après avoir fêté avec le compositeur les 50 ans des Demoiselles de Rochefort il y a quelques semaines, après avoir découvert avec Nathalie Dessay l'album qu'il lui a composé il y a aussi quelques semaines, eh bien voici un nouveau projet né le 15 décembre dernier en présence de Michel Legrand au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Une toute nouvelle adaptation scénique de son premier film entièrement musical avec Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, peut-être le moins connu de leur film, après Peau d'âne et Les Demoiselles de Rochefort. Un drame enchanté, comme disait Jacques Demy, et comme il disait, en couleur. Un drame entièrement chanté, mais dont la musique, à sa demande, était de tous les jours. Du jazz, du néo-romantisme, et aussi des touches de mambo et de rumba. Cette nouvelle production des Parapluies de Cherbourg entame une première tournée en France et en Belgique. Ils étaient encore hier soir à l'Opéra de Reims. Ils seront au Colisée de Roubaix en février, à Mérignac en mars. Et ce matin, l'orchestre de 20 musiciens au complet, dirigé par Patrick Leterme, est présent au studio 105 de France Musique, ainsi que les acteurs principaux, et nous propose en live de larges extraits de cette nouvelle production. Rappelez-vous, tout débute au garage, où nous allons rencontrer Guy, un mécanicien qui, une fois sa journée terminée, retrouve son amoureuse Geneviève devant le magasin de parapluies de sa mère. Il la retrouve avant d'aller chez sa tante Élise, mal en point, avec son infirmière Madeleine. Le début des Parapluies de Cherbourg en live sur la 42e rue de France Musique avec, par ordre d'apparition en scène, Grégory Benchenafi, Franck Vincent, Jérôme Demeter, Robin Morgenthaler, Gaëtan Borg, Camille, Nicolas, Jasmine Roy, Patty Ellen Kate et Julie Wiggins. C'est normal. Merci. Merci. Merci. ce soir. Ce soir ça m'est difficile, mais je pense que Pierre est libre. Pierre, est-ce que tu peux rester ce soir? Tu vérifieras l'allumage de la Mercedes de monsieur. Est-ce que tu viens avec moi ce soir au volet? Non, je ne peux pas. Et toi, est-ce que tu y vas? Bien sûr. Au pain tout à l'heure m'a demandé de faire une heure de plus. Tu pars, ce soir c'est sacré, je vais au théâtre. Qu'est-ce que tu vas voir? Carmen. L'amour est enfant de Bohème. La la la la la la la la la. J'aime pas l'opéra, le ciné c'est mieux. Moi ce soir je vais danser. La la la la la la la. File-moi une clope. Tous ces gens qui chantent, moi tu comprends, ça me fait mal. J'aime mieux le ciné, tu l'as déjà dit. Ciao les gars. Ciao. À demain. Geneviève, Guy, je t'aime. Tu sens l'essence. C'est un parfum comme un autre. Guy, je t'aime. Oh, Guy, je t'aime. Un client, je me sens à 8 heures devant le théâtre. Journée. Si tu veux mon amour, après nous irons danser. Si tu veux. Si tu veux. Vous désirez un parapluie. Un parapluie. Où étais-tu? Là, en face. Êtes-vous fixé sur le genre d'article qui vous intéresse? Un parapluie noir. Geneviève, montre les parapluies à monsieur. C'est toi qui? Bonsoir, tante Élise. Bonsoir, mon garçon. Comment vont les jambes? Très bien, mon garçon. Qu'est-ce que tu trafiques autant d'eau? Mais j'ai faim. Tu vas te couper l'appétit. Je fais ce qui me plaît. Reste tranquille et viens me parler. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu parais bien dissipé. Je sors ce soir. Seul. Ça ne te regarde pas. Si, ça me regarde. Avec une jeune fille que tu aimes. Ça se pourrait. Dis-moi la vérité. Oui, je l'aime. Qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Mais non. Mais si, je le vois bien. C'est parce que tu restes seule. Je ne suis pas seule. J'ai mes livres. Madeleine viendra pour ma piqûre. Elle me tiendra compagnie. Alors c'est quoi? C'est peut-être le bonheur qui me rend triste. Mais c'est bête. Laisse-moi brute. Tu me décoiffes. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Madeleine. Tu es triste? Non, toi tu as l'air heureux. Ça se voit. Oui. Quoi faire? Aperçu à des mamans, je voyais leur passer, et la couturière qui n'arrivait pas. Regarde, attention, elle est encore pleine d'épins. Vous avez tous rencontré tous les protagonistes de cette nouvelle adaptation sur scène des Parapluies de Cherbourg, avec dans le rôle de Guy, Gaëtan Borg, dans celui de Geneviève, un rôle créé par Catherine Deneuve, Camille Nicolas, c'est Jasmine Roy qui interprète Madame Emery, Julie Wigens qui interprète Madeleine, et puis Patty Hélène Kent, tante Élise, la tante de Guy. Bonjour Emmanuel Delarba. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène. Merci beaucoup d'être ce matin sur la 42e rue de France Musique. L'an dernier, vous étiez déjà venu avec voilà, l'orchestre et la troupe au complet d'Un violon sur le toit. Ça fait plusieurs années que cette troupe, cette compagnie Ars Lyrica, dirigée par Mohamed Yamani, produit régulièrement des comédies musicales. C'était La Mélodie du Bonheur, c'était West Side Story, c'était Hairspray. Pourquoi s'attaquer au Parapluie de Cherbourg? Mais moi, c'est un film que j'ai vu, comme presque tout le monde ici, j'imagine. Et en fait, j'avais vu des extraits de la version de Londres qui avait été faite, une version scénique, il y a quelques années, qui m'avait un peu interpellé, qui m'avait un peu plu. Et donc, je me dis, tiens, je trouve que c'est intéressant de remonter les Parapluies de Cherbourg. Parce qu'on se dit quand même, on a bien vu, là, on a eu droit à 8 minutes de musique et 8 scènes. Je ne sais même pas comment vous arrivez à mettre en scène ce genre de choses-là. Parce que vous vous êtes dit, c'est possible. On s'est dit c'est possible, et puis après on s'est rendu compte que parfois c'était difficile, on a fait face à un petit peu certains problèmes, parce que c'est vrai que il y a dans l'écriture, étant donné que ça n'est pas quelque chose qui est écrit pour le théâtre, mais c'est un découpage de films, c'était difficile parfois parce qu'il y a des ellipses de temps qui sont parfois très longues, il y a parfois des années, des mois qui passent, et donc c'était un peu compliqué parfois dans la mise en scène de pouvoir créer le temps qui passe et... avec les moyens qu'on avait. Sans qu'il passe sur le plateau. Sans qu'il passe sur le plateau. Ouais. Voilà, parce que dans un film, on peut jouer avec le montage, on peut passer de la pièce où habite Élise au moment où ils sont dans le garage. Comment vous avez résolu le problème, alors, Emmanuel? Comment on a résolu ça, Patrick? Alors, Patrick Leterme. Donc, effectivement, particulièrement au début du film, il y a une exposition qui est très, très rythmée, parce que Jacques Demy a choisi vraiment de présenter l'ensemble des personnages. Donc, on a dans le bloc qu'on vient de traverser tous les personnages principaux qui sont placés, qui sont calés. Et donc, scéniquement, il y a deux choses principales qui permettent ces ruptures rapides. D'une part, la vidéo en live qui a un clin d'œil, évidemment, à l'univers du cinéma, vu que ça a la particularité, contrairement à West Side Story, d'être à l'origine un film qui est transposé ensuite à la scène. C'est-à-dire que vous avez un caméraman sur scène qui, en fait, fait des prises de vue en gros plan de certains moments. C'est ça, oui. Même alors... dans les coulisses, d'ailleurs, pour faire venir un personnage. Oui, parfois le personnage arrive de coulisses et rentre sur le plateau. En fait, le but de la vidéo en live, il ne faut pas que ce soit un gadget moderne, prétendument que ce qui est filmé est plus intéressant et que ça apporte quelque chose théâtralement. Donc on a cherché à ce que ce ne soit pas des doublons, c'est-à-dire que c'est la vidéo qui relaye ce qui se passe sur le plateau, puis on revient au plateau ensuite. Et l'autre chose, c'est un diaphragme qui est un système qui permet de découper dans le cadre de scène des zones, et on peut passer de gauche à droite comme le fait la caméra, en fait, c'est-à-dire le cinéaste, il cadre, il choisit ce qu'il montre aux gens, contrairement au théâtre où on ne peut pas dire au spectateur s'il doit regarder à gauche ou à droite. On va continuer d'explorer cette nouvelle production scénique des Parapluies de Cherbourg avec vous, Patrick Leterme, à la tête de votre Candide Orchestra. On en parlera tout à l'heure de cet orchestre de 20 musiciens que je remercie d'être présent ce matin sur la 42e rue de France Musique. On va retrouver, en fait, on continue de dérouler le film, là, tout simplement, avant de découvrir un échange entre Geneviève et sa mère dans le magasin de parapluies. Eh bien, nous allons retrouver d'abord les amoureux qui échafaudent plein de projets. Les amoureux, c'est donc Geneviève et Guy, interprétés par Camille Nicolas et Gaëtan Borg. sur la 42e rue de France Musique au studio 105. Nous aurons des enfants. J'appellerai ma fille Françoise. Et si c'est un garçon? Ce sera une fille. Il y a toujours eu des filles dans la famille. Je vais entendre, je devrais me maquiller, tu ne trouves pas? Non, tu es très jolie comme ça. Un peu ici. Où ça? Là. Nous vendrons des parapluies. Et puis non, pas des parapluies. Nous vendrons le magasin. Nous achèterons une station-service. Pourquoi? Quelle idée! Toute blanche, avec un bureau, tu verras. Tu sentiras l'essence toute la journée, quel bonheur! Nous serons très heureux. Et nous resterons amoureux. Mon amour, mon amour. Tu n'as rien dit à ta mère. Pas encore. Pourquoi tu es lâche? Il ne faut pas que tu te fâches. Mais je sais ce qu'elle me répondra. Quoi? Ma petite fille, tu es folle. Est-ce qu'on pense au mariage à ton âge? Ma petite fille, tu es folle. Est-ce qu'on pense au mariage à 16 ans? 17 ans. Amoureuse. Est-ce que je suis trop laide ou trop bête? Mais non, tu n'es pas laide, tu n'es pas la merveille des merveilles. Mais on ne peut pas dire que tu sois laide ni sotte, seulement tu as le temps. Tu peux aimer, mais l'amour c'est autre chose. On ne tombe pas comme ça, amoureuse d'un visage que l'on croise dans la rue. Jeune homme que j'ai rencontré plusieurs fois et qui m'aime. Nous voulons nous marier. Tu ne dis rien. Mais je suis stupéfaite. Je suis allée avec lui au théâtre hier soir. Magnifique! Alors tu m'as menti et tu avoues sans la moindre honte. Ce n'est pas honteux de vouloir se marier. À ton âge, si. Enfin, non. Tu es une petite fille, toute petite. Tu ne sais rien. Évidemment, ce n'est pas avec ce que tu m'as dit que je saurais me débrouiller. Lorsque j'ai épousé ton père, moi je ne savais rien. Il n'y a pas de quoi se vanter. Le marchand de couleurs, s'il vous plaît. C'est la porte à côté. Quelle jetée. 20 ans. Bien entendu, il n'a pas fait son régiment. Non. Il vit avec sa marraine, une dame qui l'a. Il n'a que moi et tu verras, il est très beau. Je ne verrai rien du tout. Mais maman, monte à l'appartement, il est temps de préparer le déjeuner. Bonjour. Bonjour mademoiselle, bonjour madame. Bonjour. Au revoir. Oh mon Dieu, Geneviève, nous sommes perdus. Toujours les grands mots. 80 000 francs à payer avant le 15, tu trouves ça drôle? Et si tu ne paies pas, on nous saisira. Je travaillerai. Quel genre de travail? N'importe quoi. Au poste ou à la mairie. Ou si je me marie. Et moi, nous travaillerons, nous pourrons t'aider. Mais ma petite fille, il n'est pas question de te marier. Enlève ça, tu vois bien que tu gênes. A-t-il un métier? Est-ce qu'il peut te faire vivre, élever des enfants? Il n'est pas riche, nous vivrons simplement et nous n'aurons pas tout de suite des enfants. Non, mais au moins ce n'est pas lui qui paiera mes impôts. Depuis hier, je n'ai plus un sou en caisse. Vends tes bijoux. Mes bijoux, jamais. À quoi te servent-ils? Tu les regardes même pas. Et si j'ai un coup dur? Qu'est-ce qui nous arrive? N'est-ce pas un coup dur? Non, c'est impossible. Si je vendais mes bijoux, j'aurais l'impression de me dépouiller, d'être toute nue. Eh bien, trouve autre chose. Autre chose, mais nous n'avons rien. Alors, dans le magasin. Saute. De quoi vivrons-nous? Évidemment, un bijou, ce n'est qu'un bijou. Bague de fiançailles. Elle est affreuse. Ce bracelet, il est importable. Personne n'en voudra. Et ton collier? Mon collier, tu crois? C'est un crime, non, jamais je ne m'en sais. Si joli que ça. Cet après-midi, nous irons chez Monsieur Dubourg. Ensuite, je passerai chez le coiffeur. Une pure merveille, n'est-ce pas? C'est une pierre de taille. Si vous me permettez l'expression, voici quelques rubis, saphirs, émeraudes. C'est la caverne d'Ali Baba, la parure de la belle au bois. Bonjour mademoiselle Geneviève. Bonjour monsieur Dubourg. Vous permettez? Je vous en prie. Mademoiselle est devenue une bien jolie jeune fille. Il y a si longtemps que je n'avais eu le plaisir. Mais que puis-je faire pour vous? Vous pouvez parler sans crainte. Nous sommes dans une situation difficile. Geneviève est grande et m'aide de son mieux. Elle n'est pas en cause, mais j'ai de lourdes charges. J'ai pensé, enfin, je dois faire face à une échéance dont les conséquences risquent fort de nous compromettre. Et je viens vers vous comme on vient au Messie. Madame, j'ai hésité longtemps, mais Geneviève, qui est la sagesse et la raison même, m'a décidé, c'est le mort dans l'âme, que je me vois contrainte de me défaire de ce bijou qui pour moi représente. Je vous comprends, chère madame, mais mon métier comporte les risques et j'en prends déjà beaucoup. Au mieux, je puis mettre votre collier en vente et encore à une somme bien inférieure à sa valeur réelle. Je ne puis l'acheter moi-même. Pourriez-vous loin m'avancer. Rien, je vous l'ai dit, nous ne pouvons rien. N'insiste pas, maman. Mais c'est abominable. Excusez-moi, mais ce bijou m'intéresse, je l'achète. Je puis vous tirer de ce mauvais pas. Permettez-moi de me présenter, Roland Cassard, diamantaire. Oui, monsieur. Non, rassurez-vous, madame, je ne fais pas de philanthropie. Je placerai facilement ce collier à Paris ou à Londres, où mes affaires m'appellent fréquemment. Je dois. Ne vous moquez pas de moi. Je suis honteuse et en même temps ravie. Je n'ai pas cet argent sur moi. Je puis vous faire un chèque. Rien ne presse. Voulez-vous passer demain au magasin? Les parapluies de Cherbourg, j'y suis. À demain. À demain. En live sur la 42e rue de France Musique, la troupe de cette nouvelle production des Parapluies de Cherbourg, hier soir à l'Opéra de Reims. Et ce matin sur France Musique, vous avez découvert Madame Emery, Jasmine Roy, qui essayait de vendre eh bien, un diamant, puisqu'elle était bien mal en point financièrement, à Monsieur Dubourg, interprété par Franck Vincent, et puis ce Roland Cassard, incarné par Grégory Benchonafi, qui venait un peu à la rescousse. Quant au héros de cette histoire, Geneviève et Guy, interprété par Camille, Nicolas et Gaëtan Borg. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Camille, Nicolas, quand j'ai été voir le spectacle à Charleroi, j'ai eu une fulgurance. Je me suis dit, c'est dingue, cette Geneviève est brune. Oui. Et en fait, c'est drôle, ça change. Je trouve que ça change énormément à la personnalité qui avait été incarnée par Catherine Deneuve. On sait que c'était le début de sa carrière. On ne vous a pas proposé de mettre une perruque. Pourquoi Non, je me suis demandé au départ si j'allais devoir me teindre les cheveux ou pas. Mais la question était vite. Enfin, on m'avait dit que non. En fait, c'était pas la couleur de cheveux qui importait. Enfin, finalement, on prend une œuvre telle qu'elle est et on en fait ce qu'on veut. On n'est pas en train de recopier le film, en fait. Et Geneviève, c'est une adolescente. C'est pas que Catherine Deneuve, même si c'est elle qui a porté le rôle à perfection dans ce film. Mais c'est une adolescente et c'est une histoire d'amour universelle. Je dis ça parce que Emmanuel Delarba, vous êtes le metteur en scène à Londres. L'actrice était brune. Elle avait mis une perruque blonde. Vous n'êtes pas posé la question ? Alors non, pas du tout. Parce que quand on a reçu le livret, la partition ici, en aucun cas au début du livret, il était marqué que Geneviève est une jeune fille de 17 ans, blonde. Donc je ne voyais pas pourquoi on était obligé qu'elle soit blonde, absolument. Et donc moi j'avais envie qu'elle soit une adolescente de 17 ans, brune ou blonde. Si elle avait été blonde, je l'aurais gardée blonde. Camille, hein, c'est votre premier grand rôle. Quelle est votre formation ? Parce que moi j'ai vu que vous avez fait plein de pièces de théâtre. Oui. La chanson, c'est quelque chose de, enfin, le théâtre musical, c'est quelque chose qui est un petit peu à part. Oui, qui est plutôt nouveau pour moi. Enfin, j'ai essayé d'alterner entre plus du théâtre de boulevard et des pièces musicales. Et à la base, j'ai une formation musicale au conservatoire. D'accord. Mais en flûte traversière, pas du tout en chant. Et mais ça aide pour le souffle. Et après, j'ai commencé, oui, la chorale, puis. Mais c'est venu par hasard, la comédie musicale, en fait. C'est mon cousin qui était à la même école que moi qui m'a proposé de rentrer dans la classe de comédie musicale. Et j'ai dit oh, « Ok ». Puis finalement, ça m'a plu et voilà. Et Michel Legrand, c'est une partition compliquée en particulier ? Oui, c'est compliqué parce que c'est comme apprendre un texte de théâtre, mais en version partition et en 180 pages avec, des coupures de 5 mesures. On dit juste « Bonjour ». Comme ça, des espèces de notes courtes qui arrivent après des intermèdes énormes et des changements de tonalité. Donc c'est une musique très riche. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive à prendre un seul et même thème. Mon thème de Geneviève, c'est le thème de départ à pluie. Et elle le modulait, en fait, selon l'humeur et le stade de l'histoire, en fait. Gaëtan Borg, vous êtes un artiste protéiforme, j'allais dire, hein, parce que vous étiez sur la 42e rue il y a 6 mois, vous interprétiez, vous chantiez des airs de Campanile, la comédie musicale de Stephen Sondheim. On vous a vu ici aussi dans Avenue Q, la comédie musicale de Robert Lopez. Vous avez écrit la comédie musicale 31. Là, Michel Legrand, vous aussi, c'est la première fois que vous vous y attaquez. Oui, oui. Et alors ça n'arrive pas tant de fois dans une vie, finalement. Mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Moi, je suis moins musicien que Camille. Et en fait, j'en ai profité pour, par fainéantise, hein, pour ne pas travailler tant sur la partition que sur les enregistrements du film, en fait. Et alors, moi, je me suis complètement retrouvé dans ce que dit Emmanuel, à savoir qu'on rendait le meilleur hommage possible au film en parlant du fond, en fait, du drame. Mais je me suis quand même un petit peu attelé à reproduire un tout petit peu le son rétro, comme un petit peu un hommage. Donc, j'ai beaucoup bossé sur les enregistrements. Et aussi, grâce aux indications de Patrick sur les subtilités musicales. Mais oui, c'est une musique très difficile, c'est un challenge hein, pour chanter ça. Alors, on vous retrouve dans le moment certainement le plus célèbre des Parapluies de Cherbourg. C'est ce moment où, sur les quais, Guy annonce eh bien, voilà, qu'il est appelé à partir à la guerre d'Algérie et que donc ils vont devoir un petit peu mettre eh bien, à l'arrêt leur relation amoureuse durant 2 ans. Le duo des Parapluies de Cherbourg, incarné par Camille, Nicolas et Gaëtan Borg avec le Candide Orchestre dirigé par Patrick Leterme en live au Studio 105 sur la 42e rue de France Musique. J'avais tellement peur de ne pas te trouver, je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis belle. Je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traitée de folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman, que de te perdre. Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors, le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas. Ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Je ne te Il faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi. Mais je sais que toi, tu m'attends. Je t'en supplie. 2 ans, non, je ne pourrai pas. Calme-toi, il nous reste si peu de temps. Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Il faut essayer d'être heureux. Il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera. Cherbourg, ce matin en live sur la 42e rue de France Musique avec Camille Nicolas et Gaëtan Borg qui reprennent les rôles créés à l'écran en 1964 dans le film de Jacques Demy par Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo, avec, on se rappelle, dans le film des voix qui étaient doublées par Daniel Licari et José Bartel. Alors on a compris, Les Parapluies de Cherbourg, ce n'est pas une comédie musicale, mais vraiment un drame musical. On a rencontré la mère de Geneviève, Madame Emery. Voici maintenant la tante de Guy, Alité. Sur scène, elle est interprétée par Patty Hélène Kent, que nous avions reçue l'an dernier parce qu'elle faisait partie de la production d'Un violon sur le toit dans un rôle tout à fait différent et truculent, on va dire. Pour le moment, elle fait ses adieux à Guy, accompagnée par Julie Wengens dans le rôle de Madeleine. Regarde-moi, mon garçon, quand tu reviendras, je ne sais pas si je serai encore de ce monde. Mais enfin, Élise, il n'y a pas de mais, j'ai bien vécu, tu sais, je peux quitter ce monde sans regret. Tu déraisonnes, n'est-ce pas, Madeleine? Bien sûr, elle va déjà mieux. Je rencontrerai la mort avant toi. Le régiment n'est pas la guerre. Avant de partir, je veux que tu saches que tout ce que j'ai t'appartiendra. Surtout, ne m'oublie pas. Écris-moi de temps en temps. Madeleine te donnera de mes nouvelles. Adieu, mon petit. Au revoir. Au revoir, Madeleine. Au revoir. Julie Wengens, Patty Hélène Kent, Gaëtan Borg, et la fin de ce premier acte des Parapluies de Cherbourg, de bonne production, actuellement en tournée en France. Nous arrivons au deuxième acte des Parapluies de Cherbourg. Guy est parti à la guerre. Geneviève se retrouve seule avec sa mère. Elles sont d'ailleurs, parce qu'il faut bien le dire, que vous avez conservé les couleurs des films de Jacques Demy, et donc elles sont désormais en robe verte, alors qu'elles étaient en robe plutôt rouge et orange, couleur de la passion au premier acte. Donc elle se retrouve avec sa mère seule, Geneviève, et elle lui fait une drôle de révélation. Camille Nicolas, Jasmine Roy, et le Candide Orchestra dirigé par Patrick Leterme. Qu'est-ce que tu as, Geneviève ? Je suis fatiguée. Ce n'est pas une raison pour faire cette tête. Tu es lasse, certes, mais tu n'es pas mourante. Ce n'est pas la lassitude qui m'attriste, mais le silence qui est parti depuis 2 mois déjà. Il ne m'a écrit qu'une fois. Tu ne vas pas recommencer. Si je savais où il se trouve, je pourrais lui écrire. L'a envoyé, j'en suis sûre, dans un endroit dangereux où il risque sa vie. C'est beaucoup plus simple. Plus simple que quoi? Il t'a oublié. Tu dis n'importe quoi. Il ne pense plus à toi, sinon il t'écrirait. On peut toujours écrire dans ces lois que l'on soit. Jasmine Roy, Camille Nicolas et cette nouvelle production des Parapluies de Cherbourg. Ravi de vous revoir. Jasmine, vous étiez il y a un mois chez nous aussi parce que vous êtes dans deux productions actuellement, Wonderful Tone au théâtre, à l'Opéra de Toulon et puis donc les Parapluies de Cherbourg. Et vous étiez dans la production des Parapluies de Cherbourg avec Michel Legrand au théâtre du Châtelet. Quelle relation vous avez, vous, avec ce film? C'est un film qui vous a bercé? C'est un film d'enfance, bien entendu, qui m'a marquée, mais comme Les Demoiselles de Rochefort, c'est deux films que j'ai adorés étant toute petite, mais j'ai surtout une histoire avec la musique de Michel Legrand. Voilà. Je suis une fan depuis mon tout jeune âge, et il faut savoir que j'ai été élevée au Canada, ayant étudié beaucoup aux États-Unis. Michel Legrand, là-bas, est une vraie légende. Mm-hmm. C'est une star, encore plus qu'ici, je trouve. Donc moi, ça a baigné toute ma vie. Donc j'ai chanté beaucoup de jazz et effectivement j'ai fait beaucoup de comédie musicale et je pense que l'alliance parfaite des deux, ben, c'est chanter du Legrand. Oui, c'est drôle parce que là, vous passez d'un morceau très jazzy à un morceau très romantique. Ça demande pour la voix des... Ben, écoutez, la voix de ce matin, après les répètes à Toulon et la soirée d'hier, est moins évidente, mais ça ira mieux ce soir. Oui, ça, c'est une gymnastique vocale, mais c'est une gymnastique qui est agréable parce qu'il n'y a rien de forcé. Grégory Benchonafi, merci aussi d'être là ce matin. Merci. On vous avait reçu pour d'autres productions. Vous étiez dans la comédie musicale Mistinguette, notamment. Exactement. Au Palace. Vous, relation avec ce film, c'est un film qui a été un film de chevet, par exemple, ou vous êtes plutôt peau d'âne, hein? Donc c'est un film qui, comme tout le monde, m'a marqué. Après, non, ce n'était pas un film de chevet, mais j'ai pu... De fait, par rapport à cette production et à ce rôle, redécouvrir les parapluies de Cherbourg 20 ans plus tard et redécouvrir ce rôle de Roland Cassar qui ne me paraissait pas à l'époque un rôle comme ça hyper intéressant et qui au final est vraiment un personnage marqué. Comment vous le décririez ? Donc, on se rappelle du rôle créé à l'écran par Marc Michel avec la voix de Georges Blanès. C'est quoi ? C'est le sauveur ou c'est un homme d'affaires ? Comment vous le décririez, cet homme ? Non, je pense que le mélodrame qui est raconté dans cette histoire, c'est un peu la vie. On croise un peu des chemins de tout le monde. Cet homme, au-delà de sa richesse matérielle, a une vraie détresse sentimentale, se retrouve à tomber fou amoureux de cette jeune fille et essaie par tous les moyens de réussir à la conquérir. Et il est sincèrement amoureux. Arriver à demander en mariage une femme enceinte d'un autre, il faut être fou, soit être très amoureux. Je pense qu'il était très amoureux. Alors on vous propose de nous l'interpréter, cette chanson de Roland Cassar, très avec célèbre, plaisir. Qui avait été créée donc dans le film par la voix de Georges Blanès. À l'Opéra de Reims, c'est Patrick Leterme qui dirige le Candide Orchestre. Une production qui sera également à l'affiche au Colisée de Roubaix en février et à Mérignac. C'est à vous, messieurs. Autrefois, j'aimais une femme. Elle ne m'aimait pas. On l'appelait Lola. Autrefois, déçue. Oublier. Alors j'ai quitté la France. Je suis allé au bout du monde. Même la vie me paraissait sans attrait. Et puis le hasard m'a mis sur votre route. Que j'ai vu Geneviève, j'ai su que je l'attendais. Depuis cette rencontre, ma vie a pris un autre sens. À tout instant, c'est elle que je vois. Je ne vis que pour elle, je ne pense plus qu'à elle. J'ai voulu vous parler franchement. Vous ne m'en voudrez pas. Il n'est bien sûr pas question d'influencer Geneviève. Geneviève est... Demain, je repars à Amsterdam pour 3 mois. À mon retour, Geneviève me donnera elle-même sa réponse. Je ne sais que vous dire. Mais ne me dites rien, Geneviève décidera elle-même. Bonsoir, madame. Grégory Benchenafi, Jasmine Roy, Les Parapluies de Cherbourg, comme si vous regardiez le film, sauf que c'est une production actuellement à l'affiche, plutôt actuellement en tournée en France, avec dans cette version adaptée par Emmanuel Delarba, un mariage entre Roland Cassard et Geneviève qui ressemble, je dois bien le dire, à un enterrement, parce qu'il n'y a que des hommes en noir qui assistent à cette cérémonie. Voici la fin du film, le troisième acte, ça s'appelle Le Retour. Guy rentre de la guerre d'Algérie, la tante Élise est décédée, mais Madeleine, l'infirmière, l'attend, ils se marieront. Julie Wingens et Madeleine, Gaëtan Borg et Guy. En retard, le notaire n'en finissait pas, et je suis passé à la station. Maintenant tout est réglé. Pauvre Élise, il ne restera rien d'elle. Si beaucoup de choses au contraire, tout ce que nous allons faire. Tu es heureux. Très heureux. C'est à toi que je le dois. Si Madeleine, tu le sais bien. Et toi, est-ce que tu es heureuse? Oh, je ne suis pas malheureuse. Je voulais te dire, enfin, je pensais que si tu voulais partager ma vie, si je n'étais pas pour toi une lourde charge et que tu pleures. J'ai dit une bêtise. Pas du tout. Mais c'est un tel bonheur. Et en même temps, ça me fait peur. Je te fais peur. Non, un peu. Enfin, tu comprends. Est-ce que tu ne penses plus à Geneviève? Es-tu sûre de m'aimer vraiment? Je n'ai pas peur, mais je me demande si tu n'agis pas par désespoir. Non, tu te trompes tout à fait. Je ne veux plus penser à Geneviève. Je t'assure, j'ai tout oublié. Je veux être heureux avec toi. Madeleine, Madeleine, ne pleure pas. Je n'ai pas beaucoup d'ambition, mais si je pouvais réaliser ce rêve, être heureux avec une femme dans une vie nous aurions prévu ensemble. Julie Wingens et Gaëtan Borg, Les Parapluies de Cherbourg, la nouvelle production dont le directeur musical est Patrick Leterme. Quelques mots sur votre orchestre, Patrick Leterme. Vous pouvez nous les présenter, 20 musiciens. C'est pas la même effectif que dans le film. Non, en fait, on travaille avec un effectif qui est entre la partition symphonique d'origine et la version qui a été faite pour Londres, qui est une version à 13 instruments. Oui. On avait envie d'avoir tous les instruments acoustiques, on va dire, les vraies sections complètes. Donc on alterne entre des styles différents, jazz et classique, donc il nous faut beaucoup d'instruments différents. Donc on travaille à 20 musiciens, ouais. Et cet orchestre, c'est un orchestre pérenne, le Candide Orchestre que vous avez J'espère qu'on peut appeler ça une amitié de longue date, et j'espère qu'elle ne s'arrête pas trop vite. C'est des musiciens que j'ai rassemblés il y a quelques années, en bonne partie, et il y en a beaucoup qui ont continué dans l'aventure, donc c'est très agréable parce qu'on choisit avec qui on joue, donc normalement ils jouent bien, ils sont pas chiants. Ils viennent tous de Belgique. Ils viennent en bonne partie de Belgique, mais il y en a qui sont venus de Paris, qui sont venus à Bruxelles sûrement pour travailler avec nous. On se quitte, comme dans le film des Parapluies de Cherbourg, par ce moment choral. Il neige à l'extérieur de la station-service, dont le néon de chez Esso est allumé sur scène. Les teintes sont bleues, il y a un sapin de Noël dans la boutique de la station-service. Et puis voilà, une voiture arrive, c'est Geneviève avec sa fille. Elle retrouve Guy et ils n'échangent que des banalités. Tu es en deuil. Maman est morte à l'automne. Comment l'as-tu appelée ? Françoise, elle a beaucoup de toi. Tu veux la voir ? Je crois que tu peux partir. Très bien. Parapluies de Cherbourg, nouvelle production de la compagnie Ars Lyrica, à découvrir le 22 février au Colisée de Roubaix, les 27 et 28 mars à Mérignac. Vous pourrez voir sur la page de 42e rue les vidéos de ce concert qui ont été filmées par les équipes vidéo de France Musique. Merci, grand merci à toute la troupe des Parapluies de Cherbourg. À la prise de son, il y avait ce matin Pierre Bornard, Jean-Benoît Tétu, Mathieu Leroux, Romain Lenoir, Emmanuel Armin. Notez que le prochain cabaret 42e rue, ça sera avec la troupe de Grise, dimanche 25 février. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée et présentée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni et réalisée par Perrine Mingui. À réécouter sur francemusique.fr.